Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un père souffrant, une lettre, une rue pleine d'obstacles et vous obtiendrez l'aventure du courrier. Ce matin, papa devait poster une lettre importante. Mais il était malade comme un chien. Alors, il me l'a confiée. Mission facile, la boîte aux lettres était au coin de la rue. Sauf qu'à peine sorti, trois idiots de pigeons m'ont frôlé en décollant en trombe. Oh, j'ai paniqué. La lettre m'a échappé. Une bourrasque a soufflé, la lettre est allée s'échouer dans le caniveau. J'ai couru. Nouveau souffle, la lettre a virevolté jusqu'à une bouche d'égout. J'ai foncé. Le vent l'a poussée juste assez pour qu'elle soit prête à tomber dans les entrailles des égouts. En bondissant, je l'ai saisie du bout des doigts. J'avais les genoux écorchés. J'ai foncé, serrant ma lettre comme un trésor. Un couple a surgi de nulle part. On s'est percuté, je suis tombée, ils m'ont toisée en marmonnant. Leur petit chien m'a léché le nez. Je me suis relevée, penaude, et puis j'ai avancé vers la boîte aux lettres. La factrice relevait le courrier. Je me suis précipitée.